cage. On patauge, j'en nage plus. On cherche la sortie, au moins la bonne route. Et plus on se débat, plus il nous vient le doute. La peur de ne jamais trouver la bonne issue. On se sent emporté par un courant fatal. On ne maîtrise plus rien, on ne peut que subir. Et même dans notre esprit, les mots qu'on voulait dire se perdent ou se transforment en un son guttural. Quand l'on vit bien ou mal, ça c'est pas leur problème. Eux ils pètent dans la soie et ça sent pas meilleur que certains crèvent de faim sur le bord de la Seine. Ne les gênera jamais tant qu'ils feront leur peur. Bien souvent on se heurte à l'incompréhension quand une idée nous vient un peu comme un fantasme. Si elle n'est pas dans la norme, on s'expose au sarcasme. Regard soupçonneux, presque à l'inquisition. On nous fait bien comprendre que l'on est tout petit, que ce que l'on peut dire n'a pas de consistance. On se cogne à un mur, une barrière immense. Personne ne vous écoute, ni même ne compatit. Que l'on vit bien ou mal, ça c'est pas leur problème. Eux ils pètent dans la soie, mais ça sent pas meilleur que certains crèvent de faim sur le bord de la Seine. Ne les gênera jamais tant qu'ils feront leur meurtre. Chacun dans sa planète, on pourrait presque dire, nous on est tout en bas, on ne vaut quasi rien. On a moins de valeur que de la pâté pour chien. Mais on compte sur nous et chaque jour ça empire. Et s'il n'y avait plus personne pour gober leur discours, ils finiraient peut-être par dire la vérité. Mais malheureusement, il reste des paumés qui ne s'aperçoivent pas que ce sont des vautours. Que l'on vit bien ou mal, ça c'est pas leur problème. Eux ils pètent dans la soie, mais ça sent pas meilleur que certains crêtes de pain sur le bord de la Seine. Ne les gênera jamais tant qu'ils feront leur beurre. Quand je les vois faire la sieste dans leur amphithéâtre, j'ai la furieuse envie de mettre des coups de pied au cul, de hurler comme un doux, dire qu'on paye ses emplâtres au cerveau ramolli et qu'ils décident pour nous. De congrès en congrès, de gueuleton en balade, ils règlent leurs problèmes avec notre pognon. Et pour se justifier, ils débitent leur salade au sein d'une assemblée qui se tape un roupillon. Que l'on vit bien ou mal, ça c'est pas leur problème. Eux ils pètent dans la soie, mais ça sent pas meilleur que certains crèvent de faim sur le bord de la Seine. Ne les gênera jamais tant qu'ils feront leur